Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la révolte d'Hubert Aquin. L'écrivain n'est pas nécessairement une personne intégrée parfaitement ou socialisée parfaitement. C'est une personne marginale. Et du coup, je veux dire, ça pose le problème de la fonction de la littérature. La littérature n'a pas de fonction. C'est une chose de trop. C'est une chose, quand je dis de trop, je veux dire, c'est un luxe. Hubert Aquin, à l'émission Carousel, en novembre 1975, auteur de 4 romans, d'une douzaine de films et d'une trentaine de dramatiques à la radio et à la télévision, Hubert Aquin est aussi un ardent militant pour l'indépendance du Québec et son nom reste aujourd'hui encore étroitement associé à la scène politique et intellectuelle de ce Québec des années 60 et 70. C'est avant-hier, dimanche 5 juillet, que l'arrestation d'Hubert Aquin a eu lieu. On avait signalé environ 40 minutes plus tôt, sur les ondes de la police municipale de Montréal, le vol d'une voiture, une Ford rouge 1964, qui appartenait au père Adrien Pinard. J'avais lu sur les journaux qu'il avait décidé de se retirer de la clandestinité. C'était un certain honneur pour moi d'avoir ma voiture mêlée à cette clandestinité, mais j'y étais vraiment pour rien. Vous n'avez pas porté plainte? Non, pas du tout. Pourquoi j'aurais porté plainte contre Hubert Aquin? Vous le connaissiez? Je ne le connaissais pas personnellement, mais il était connu partout et il s'est identifié à une cause à laquelle j'étais moi-même très sympathique. De sorte que je ne vois pas pourquoi j'aurais ajouté le coup de pied de la âne, si vous voulez, à toutes les tribulations qu'il avait déjà. Arrivé au poste 15, Hubert Aquin a été interrogé et écroué. Quand on lui a demandé quelle était sa profession, il a répondu « révolutionnaire ». Extrait du documentaire « Deux épisodes dans la vie d'Hubert Aquin », un documentaire réalisé par Jacques Godbout en 1979. Pour nous parler du parcours, de l'œuvre également d'Hubert Aquin, je reçois l'écrivaine et essayiste Catherine Mavrikakis, qui est aussi professeure au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Catherine Mavrikakis, bonjour. Bonjour. Alors, Hubert Aquin, c'est beaucoup de choses à la fois. Il est romancier, essayiste, réalisateur au cinéma, à la radio, indépendantiste, activiste. De quelle manière, pour vous, a-t-il surtout marqué ce Québec des années 60 et 70, Catherine Mavrikakis? Bien, c'est formidable, l'extrait que vous venez de présenter du film de Godbout. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, à l'époque, aimaient tellement Aquin qu'ils n'allaient pas dénoncer s'il leur avait volé sa voiture. Oui. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Vous voyez, il occupe une place un peu de leader politique. Il est toujours en train de militer pour l'indépendance du Québec. Alors, c'est pas ce qu'on a beaucoup retenu de lui. On a retenu de lui beaucoup son écriture. On a un peu oublié le militant politique pour se souvenir que de l'auteur, mais je pense qu'il faut replacer à l'époque, et cet extrait le montre magnifiquement, c'est comment Aquin était une figure importante pour les gens et un leader, je pense, charismatique et même dans sa folie parce qu'il avait il posait des actes un peu fous, on le traitait, il a été psychiatrisé, etc. Mais il avait une force politique extraordinaire, voilà. Oui, oui. Un peu oublié d'ailleurs cette figure-là, mais on le comprend bien. À cette époque-là, il incarne une vision du monde, une attitude aussi peut-être, hein, une attitude par rapport à la société ambiante et dominante. Parlez-nous de votre rapport personnel à Aquin, parce qu'il y en a un. Vous l'avez intégré en fait à l'un de vos romans. Comment ça se passe, cette découverte pour vous d'Hubert Aquin? Alors moi, j'étais à l'école au Québec, mais dans un lycée français, j'avais jamais entendu parler ou j'avais jamais lu Aquin. Et d'ailleurs, Aquin était en général très fâché contre les établissements scolaires, même québécois, qui n'enseignaient pas la littérature québécoise. Donc moi, j'ai été un peu dans un établissement où il n'y avait pas Aquin. Et je découvre, en 1977, je me rappelle, à la télévision, à 10h30 le soir, je découvre qu'un grand écrivain québécois s'est tué. Donc, je découvre, c'était le 15 mars 77. Donc, son suicide spectaculaire tout près de mon école. Moi, à Villa Maria, moi, j'étais pas à Villa Maria, mais pas loin. J'ai envie de le lire d'un seul coup. J'ai 16 ans. Je découvre une écriture extraordinaire qui parle du Québec, qui parle du suicide et de l'échec du Québec. Et alors qu'on est en 77 et que le Parti québécois vient de prendre le pouvoir le 15 novembre 76, mais j'ai l'impression qu'il est en train de... il était mort, mais qu'il a vu quelque chose du Québec que j'avais jamais vu avant. Et tout de suite, je vis avec Hubert Aquin, je lis Hubert Aquin, et quand je me mets à écrire mon deuxième roman, dans les années 2000, j'écris un roman qui s'appelle « Ça va aller » en 2002, et je me dis dans le texte, l'héroïne se dit, la narratrice se dit héritière d'Hubert Aquin, héritière de son projet politique, héritière de son goût de la littérature et héritière d'une vision pour le Québec qui me semble en 2002 être presque effacée. Oui, donc un coup de foudre au fond, à partir du moment où vous découvrez son œuvre. Un coup de foudre. Oui, tout à fait. Un coup de foudre et puis aussi une persistance de ma lecture d'Aquin. L'impression qu'à chaque fois, il a déjà vu quelque chose du Québec et il m'aide à interpréter ce qui se passe au Québec sans cesse. Oui. Et puis, il y a sûrement... bien sûr, vous le découvrez au moment où il se suicide, mais j'allais dire, il y a sûrement, puis ça, vous allez le découvrir au fil du temps, ce personnage, puis on l'a évoqué dès le début avec l'extrait qu'on a entendu, mais ce personnage qu'il a été, théâtral, celui qui conteste. Et il en joue beaucoup de ça. Parlez-moi de ça. Comment décrire Hubert Aquin, le personnage Hubert Aquin? Ah oui, alors c'est un personnage tout à fait singulier. D'abord, il entretient autour de lui un vrai mythe. Hein. Il était né le jour du crash boursier et il a toujours envie de faire de lui-même, non pas quelqu'un de simple, il a envie de raconter des histoires autour de lui et il joue son personnage sans cesse. Alors, il a refusé le prix du gouverneur général, il a quitté la revue Liberté, il pose des grands gestes, hein, des gestes dramatique. Alors, il quitte la revue Liberté en 71 parce qu'il trouve qu'ils n'ont pas assez évoqué la crise d'octobre. Il quitte les éditions La Presse parce qu'il a l'impression que tout est fédéraliste. Il se dispute avec le recteur de l'UQAM. Vraiment, c'est quelqu'un qui sans cesse va essayer de théâtraliser sa vie. Mais je pense que c'est tout son rapport aussi à l'esthétique, il y a un rapport très dandy au monde, c'est-à-dire il faut que la vie soit un geste et soit un beau geste, mais c'est aussi un sens du politique, c'est-à-dire un grand geste, ça a des résonances dans les journaux, ça a des résonances dans le social, les gens vont l'aimer. Votre ouverture était magnifique là-dessus, justement le monsieur qu'il connaît pas va le défendre parce que Hubert Aquin a su cultiver son personnage. Et puis bon, il a travaillé non seulement d'un point de vue politique, mais il a aussi travaillé comme écrivain. Alors, sur tous les fronts, il était présent sur tous les fronts, dans le documentaire. En plus, il aimait les voitures de course, il voulait un grand prix de l'automobile à Montréal. Enfin, il y avait quelque chose en lui de gentleman qui, j'allais dire cambrioleur, mais un petit peu. Il y avait, puisqu'il a ce thème un peu du hors-la-loi, il aime être hors la loi. À un moment donné, on le retrouve avec un pistolet sur lui. Il est incarcéré. Vous voyez, je ne peux pas vous dire s'il était vraiment comme ça, mais en tout cas, il a bien joué ses cartes pour qu'il devienne une espèce de légende québécoise. Et vous parliez de sa conscience politique. Son engagement politique, évidemment, va être central dans sa vie et se résume à une grande cause, celle de l'indépendance du Québec. Et ça commence assez tôt, dès mai 1962. Il publie dans les pages de la revue Liberté son texte « La fatigue culturelle du Canada français ». C'est en fait une réponse à la publication, à peu près un mois plus tôt, du texte de Pierre-Éliott Trudeau dans Cité libre, « La nouvelle trahison d'Hitler ». On écoute le comédien Pierre Lebeau lire un extrait de ce texte « La fatigue culturelle du Canada français » dans une série radio consacrée à Hubert Aquin qui a été diffusée en 2006. L'existence du groupe canadien-français ne peut se justifier que si, demeurant greffé à sa majorité anglophone, celle-ci en arrive à ne plus pouvoir se passer de celui-là. Au terme de cette évolution courageuse, le Canada-français détiendrait une meilleure place dans l'État fédéral, mais ce ne serait toujours qu'une place, c'est-à-dire un rôle plus grand ou à sa mesure. Mais ce rôle plus ou moins grand, ne sera toujours qu'un rôle. Sa trajectoire politique serait infléchie d'avance par la majorité qui la lui concéderait et demeurerait fonction d'un ensemble dans lequel il devrait nécessairement s'insérer harmonieusement. Selon cette perspective, le Canada français détiendrait un rôle, le premier à l'occasion, dans une histoire dont il ne serait jamais l'auteur. Alors, que représente ce fameux combat pour l'indépendance du Québec pour Hubert Aquin et quelle place ça va occuper dans sa vie, Catherine Mavrikakis? Ah ben, écoutez, c'est toute sa vie. Il commence très jeune à s'engager dans... Quand il fait des études de philosophie, il s'engage comme journaliste dans une revue étudiante. Et il va... Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il va penser l'indépendance du Québec par rapport à d'autres indépendances dans le monde. C'est pas du tout quelqu'un qui va avoir un nationalisme étroit. Il le pense par rapport à Cuba. Il va être très proche des penseurs de la décolonisation. Mmh. Il va rencontrer Albert Memmi. Son engagement politique, c'est sûr que c'est un indépendantiste de première heure. Il va rentrer au RIN dès 1960. Il va être très radical dans ses pensées. Mais il faut bien penser que son texte, La fatigue du Canada français, en 62, où il se dispute avec Trudeau. Trudeau a écrit un texte où il dit comment l'indépendance n'est pas bonne pour les pays, pour les nations, et que ça mène à la guerre. Aquin répond là-dessus tout de suite. Il y a vraiment l'idée pour Aquin que nous devons faire partie, en tant que Québécois, d'un mouvement beaucoup plus grand, mondial, de décolonisation. Et là, à partir des années 63-64, il va devenir beaucoup plus radical. Il va entrer dans une certaine clandestinité, dit-il. Peut-être une part de délire à ce moment-là chez lui. Il va dire qu'il va devenir un terroriste indépendantiste. Il a un pistolet, comme je l'ai dit plus tôt. On va l'interner pendant 4 mois en institut psychiatrique. On pense que ça ne va pas du tout à ce moment-là. Enfin, c'est fou parce que la cause va l'échec ou l'impossibilité du Québec à devenir indépendant le rend fou. Hein. Carrément, il s'identifie à la cause. Et en l'institut psychiatrique, il va écrire son premier roman, prochain épisode, en 65. Mais parlons-en de ce premier roman et de l'auteur qu'il a été, Hubert Aquin. Prochain épisode, 65, comme vous le disiez. Que dire de ce roman-là? Comment parler de l'écriture, du style d'Aquin? Alors, Aquin, c'est pas un écrivain populiste. Il le disait lui-même, il ne veut pas être lu par les élèves du secondaire, mais il a un peu réussi d'ailleurs. Et il croit beaucoup à la littérature, il a lu Proust, il a lu Joyce, il a lu Shakespeare. Il est très exigeant, il a une vision, le littéraire, même si tout à l'heure vous avez passé un extrait en disant que c'est quelque chose en plus, que c'est peut-être quelque chose d'inutile, en même temps il se dit que c'est en lisant, on atteint une certaine grandeur. C'est peut-être pas quelque chose d'applicable immédiatement. Je vais pas dans les livres pour savoir ce que je dois faire politiquement, mais il y a une grandeur dans la littérature. Et son style est, je vais utiliser un mot, mais son style est parfois très classique, mais même aussi parfois tarabiscoté. Hein? Il y a vraiment quelque chose de baroque. Le mot qu'on a utilisé pour lui, c'est baroque. Il y a vraiment des fioritures. Il pense beaucoup à différents points de vue. Il a une écriture qui ne laisse pas le lecteur en paix, qui lui demande de toujours réinterpréter. Donc, vraiment, c'est très intéressant parce que on a l'impression que chez Aquin, alors qu'il a des envies communistes, il a envie de changer le monde, son rapport à une esthétique n'est pas celui d'une esthétique qui plairait à tout le monde. Oui. Voilà. Oui. Parlons de la langue, particulièrement d'Aquin. C'est une langue, vous l'avez dit, il ne veut pas être lu par les étudiants de secondaire. C'est une langue recherchée qui fait contraste, il faut bien le dire, au moment où il écrit, où il publie, avec un certain engouement à cette même période pour le joual, la fin des années 60, début des années 70. On écoute Hubert Aquin critiquer justement cette mode du joual au micro d'Élisabeth Gagnon à l'émission Carousel en 1975. Si on parle de la langue du Québec, du joual, est-ce que c'est important pour vous? Ben, non. Non. C'est-à-dire pour moi, non. Je crois bien que non. Qu'est-ce que c'est le joual pour une Marocaine? Ben, c'est un phénomène de parler. Je veux dire, c'est un parler tout à fait caractérisé, d'abord en milieu urbain, d'abord typiquement en milieu urbain et montréalais. Alors, ce n'est pas un phénomène répandu tellement dans le Québec. Il faut pas s'affoler à ce sujet. C'est un phénomène de dégradation de la langue française par contamination en milieu urbain montréalais où il y a affrontement des deux cultures, disons, des deux langues. Et du coup, ça produit des parlers vraiment dégénérés, je reconnais. Appauvris, anémiés. Et il y a certains écrivains qui ont essayé d'en faire un système et de dire que cette langue, pauvre, si désordonnée, si désarticulée, il fallait quand même l'assumer pour dénoncer notre aliénation et puis continuer de la pratiquer, même dans l'écriture. Et moi, je suis contre ça. C'est intéressant ce qu'il dit par rapport à cette langue, à ce joual qu'on utilise beaucoup à une certaine époque au Québec. Comment décrire la langue du Bérakin, une langue qui est si loin de celle, par exemple, à l'époque de Michel Tremblay? Ah oui, tout à fait. En fait, il est contre l'oralité. L'oralité de la langue, il n'a pas envie du tout que l'écriture soit comme la langue que l'on parle tous les jours. Et en ce sens-là, il a complètement perdu la bataille, je crois. C'est-à-dire que le mouvement nationaliste québécois va beaucoup reposer sur la chanson, qui est quand même plus proche de la langue parlée que l'écriture romanesque. Je pense que c'était pas nécessairement le joual qui a gagné. Mais le discours que tient Hubert Aquin sur une langue précieuse, et vous entendez les mots qu'il emploie, dégénéré, anémié, on est presque dans un... On pourrait croire que ça vient de quelqu'un de droite, hein, ce qui n'est pas son cas, mais il y a des contradictions chez Aquin. Et il a envie d'une langue littéraire qui permette aux Québécois de se dépasser. Mmh. Et donc, on n'est pas du tout dans ce qui va être de mise et ce qui va rester, à mon avis, au Québec, c'est-à-dire un travail, parce que je ne le vois pas seulement tout à fait comme Aquin, un travail sur une certaine oralité qui va rester au Québec et qui est encore parfois présent. Ouais. Revenons sur cette fin. Il décide que tout ça se termine le 15 mars 1977 quand il se suicide. Le suicide qui est d'ailleurs un thème récurrent dans son œuvre. On peut dire d'ailleurs, puis on va l'entendre dans un instant, que son suicide n'a rien d'accidentel en mars 77. On écoute à ce propos un extrait de l'émission Présent du 18 mars 1977. Vous allez y entendre le journaliste Jean-François Lépine, suivi tout de suite après de l'écrivain et réalisateur Jacques Godbout. Vous le savez tous peut-être, l'écrivain Hubert Aquin s'est donné la mort mardi dernier dans les jardins d'une maison d'enseignement privée de Montréal. Et son geste dans son entourage était, semble-t-il, prévisible. Dans un message dicté à sa femme quelque temps avant sa mort, Hubert Aquin disait, je cite, « Aujourd'hui, 15 mars 1977, je n'ai plus aucune réserve en moi. Je me sens détruit. Je n'arrive pas à me reconstruire et je ne veux plus me reconstruire. C'est un choix. » Je me sens paisible, mon acte est positif, c'est l'acte d'un vivant. N'oublie pas en plus que j'ai toujours su que c'est moi qui choisirai le moment. Ma vie a atteint son terme. J'ai vécu intensément, c'en est fini. Fin de la citation. Hubert a réussi sa mort. Il avait peur depuis plusieurs mois d'écrire parce qu'il avait peur de l'échec et de ne pas réussir un livre. Mais il a réussi sa mort complètement, il l'a mise en scène, il a tout choisi, il l'a clairement fait. Et c'était loin d'être un imbécile, c'était sûrement le plus intelligent parmi nous. Hubert Aquin se suicide donc le 15 mars 1977. Catherine Mavrikakis, évidemment, ce suicide-là, il avait été préparé, on vient de l'entendre, et le suicide, c'est vraiment un thème qui est présent dans son œuvre. Que dire de son suicide, de cette obsession suicidaire également chez Aquin? Vous le dites très bien, c'est une obsession. Dès 1959, il écrit un texte qui s'appelle « L'invention de la mort » qui ne sera publié qu'en 91, où les premiers mots sont « tout est fini ». Et le journaliste René Lallemand, qui est le protagoniste de ce récit, va se suicider. En 1971, il a fait une tentative de suicide à l'hôtel Reine-Élisabeth. Il rencontre aussi sa compagne André Yannakopoulos, qui elle aussi a travaillé sur la question du suicide en sociologie. Je pense que chez Hubert Aquin, c'était une préoccupation constante. Il y avait vraiment l'impression d'un destin. C'est un destin suicidaire. Alors, avec l'espoir de pouvoir peut-être toujours continuer. Mais dès 59, enfin, on en a des traces. Et alors qu'il ne meurt qu'en 77, il est obsédé par cette idée-là. Et il a tout à fait, je pense que Jacques Godbout a tout à fait raison. Il y a tout un art du suicide chez Akin. C'est très difficile de dire ça. Mais c'est presque une œuvre chez lui. Hein. C'est vraiment l'idée réussir son suicide, le faire bien, faire un grand coup d'éclat pour montrer l'aliénation du Québec, porter dans son corps l'aliénation de ce qu'est le Québec. On peut faire ce lien, certains l'ont fait, en tout cas Jean-Étienne Blais, mais ce lien entre son suicide et ce que Blais appelait le suicide collectif des Québécois? Écoutez, je ne sais pas si on peut le faire le lien complètement. Je pense que ça fait partie de la légende. La légende à Caen est tellement importante et je pense que lui peut-être a envie. Mais c'est très étrange. Je suis ici en 77 alors que le gouvernement du Parti québécois a pris le pouvoir quelques mois avant. Je pense qu'il était aussi un peu déçu de cette prise de pouvoir-là. Il était... j'ai l'impression qu'il entrevoyait tout ce qu'il pouvait voir comme espoir déçu. C'était pas comme ça qu'il attendait les choses. Et puis, peut-être qu'il attendait aussi de faire partie du gouvernement, ce qui n'est pas arrivé. Je ne peux pas vous dire, mais je crois que c'est la légende Akin. Akin comme corps national suicidaire. Ouais. Un petit mot en terminant sur la place qu'il occupe aujourd'hui, Hubert Akin, que son œuvre occupe aujourd'hui, à la fois dans les départements de littérature comme auprès du lectorat québécois. Quel genre de rayonnement ont eu ces romans? Alors, je crois qu'il est très connu dans les départements de littérature des universités. Je crois, moi, je rêve que Akin soit connu en Europe, en France. Vous voyez, Régent Ducharme a pu faire, par exemple, une percée, qui commence son œuvre un peu à la même époque, a pu faire une percée à ce moment-là en France. J'ai l'impression que Akin, je ne sais pas pourquoi, reste un écrivain qui est méconnu. Et en ce sens-là, il poursuit son idée ou sa légende d'un Québec qui n'arrive pas à tout à fait exister, comme l'œuvre d'Hubert Akin existe pour ceux et celles qui l'aiment et qu'elle n'arrive pas tout à fait à prendre la place qu'elle devrait prendre dans la grande littérature québécoise. Catherine Mavrikakis, romancière, essayiste, professeure au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, c'était un bonheur de vous avoir à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.